Unité 19. Conversation. Écoutez. Madame, avez-vous le point? Oui, le voilà. C'est tout? Non, je prends aussi cette revue-ci et celle-là. C'est combien? Ça fait 19 francs 80. Répétez. 1. Madame, avez-vous le point? 2. Oui, le voilà. 3. C'est tout? 4. Non, je prends aussi cette revue-ci et celle-là. C'est combien? 6. Ça fait 19 francs 80. Répondez, répétez. 7. Madame, avez-vous le point? 8. Oui, le voilà. 9. C'est tout? 10. Non, je prends aussi cette revue-ci et celle-là. 11. C'est combien? 12. Ça fait 19 francs 80. Écoutez. Ce magnétophone coûte combien? 680 francs. C'est trop cher. Et celui-là? Celui-là est moins cher. Il coûte 465 francs. C'est un bon magnétophone. Oui, monsieur, je vous le conseille. Je vous le laisse pour 455 francs. Ça vous va? Bon, je l'achète. Voilà 500 francs. Vous avez les 5 francs? Non, je n'ai pas de monnaie. Répétez. 13. Ce magnétophone coûte combien? 14. 680 francs. 15. C'est trop cher. Et celui-là? 16. Celui-là est moins cher. Il coûte 465 francs. C'est un bon magnétophone. 18. Oui, monsieur, je vous le conseille. 19. Je vous le laisse pour 455 francs. Ça vous va? 20. Bon, je l'achète. Voilà 500 francs. 21. Vous avez les 5 francs? 22. Non, je n'ai pas de monnaie. Répondez, répétez. 23. Ce magnétophone coûte combien? 24. 680 francs. 25. C'est trop cher. Et celui-là? 26. Celui-là est moins cher. Il coûte 465 francs. 27. C'est un bon magnétophone. 28. Oui, monsieur, je vous le conseille. 29. Je vous le laisse pour 455 francs. Ça vous va? 30. Bon, je l'achète. Voilà 500 francs. 31. Vous avez les 5 francs? 32. Non, je n'ai pas de monnaie. Écoutez. 33. À qui est ce livre-ci? 34. Celui-ci est à moi. 35. L'as-tu déjà lu? 36. Oui, je viens de le lire. 37. C'est intéressant. 38. C'est passionnant et il y a des photos extraordinaires. 39. Regarde ces photos. Et celle-ci. Ce photographe est génial, n'est-ce pas? 40. Oui, il a vraiment l'art de faire des photos originales. Répondez, répétez. 41. À qui est ce livre-ci? 42. Celui-ci est à moi. 43. L'as-tu déjà lu? 44. Oui, je viens de le lire. 45. C'est intéressant. 46. C'est passionnant et il y a des photos extraordinaires. 47. Regarde ces photos. Et celle-ci. Ce photographe est génial, n'est-ce pas? 48. Oui, il a vraiment l'art de faire des photos originales. Écoutez. Je sors. Tu n'as pas besoin de moi? Si tu as le temps, passe chez ta grand-mère. Qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis de venir souper demain soir pour l'anniversaire de Jeanne. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Ramène le journal pour ton père. C'est tout? Demande aussi mes journaux de mode. Répétez. 49. Je sors. Tu n'as pas besoin de moi? 50. Si tu as le temps, passe chez ta grand-mère. 51. Qu'est-ce que je lui dis? 52. Tu lui dis de venir souper demain soir pour l'anniversaire de Jeanne. 53. Tu n'as pas besoin d'autre chose. 54. Ramène le journal pour ton père. 55. C'est tout? 56. Demande aussi mes journaux de mode. Répondez, répétez. 57. Je sors. Tu n'as pas besoin de moi? 58. Si tu as le temps, passe chez ta grand-mère. 59. Qu'est-ce que je lui dis? 60. Tu lui dis de venir souper demain soir pour l'anniversaire de Jeanne. 61. Tu n'as pas besoin d'autre chose. 62. Ramène le journal pour ton père. 63. C'est tout? 64. Demande aussi mes journaux de mode. Écoutez. 65. Bonjour, mamie, ça va? 66. Ah, c'est toi. Je suis contente de te voir. 67. Qu'est-ce que tu es en train de faire? 68. Tu vois bien, je suis en train de faire des confitures. 69. Je peux t'aider? 70. Si tu veux, attrape-moi les bocaux sur le haut du placard. Répondez, répétez. 71. Bonjour, mamie, ça va? 72. Ah, c'est toi. Je suis contente de te voir. 73. Qu'est-ce que tu es en train de faire? 74. Tu vois bien, je suis en train de faire des confitures. 75. Je peux t'aider? 76. Si tu veux, attrape-moi les bocaux sur le haut du placard. Écoutez. 77. Tu les vois? 78. Je les vois. 79. Tu veux aussi ce bocal-là? 80. Oui. Celui-là et aussi ceux-là à droite. 81. Ta mère ne t'a pas donné une commission pour moi? 82. Aussi. Elle te dit de venir souper demain soir. 83. Ah, bon. Pourquoi demain? 84. Mais voyons, mamie, c'est l'anniversaire de ta petite fille. Répondez, répétez. 85. Tu les vois? 86. Je les vois. 87. Tu veux aussi ce bocal-là? 88. Oui, celui-là et aussi ceux-là à droite. 89. Ta mère ne t'a pas donné une commission pour moi? 90. Aussi, elle te dit de venir souper demain soir. 91. Ah, bon. Pourquoi demain? 92. Mais voyons, mamie, c'est l'anniversaire de ta petite fille. Écoutez. Que dit la météo? Elle annonce des brouillards matinaux. À quelle heure voulez-vous partir? Vers 6 heures. Mais si tu n'es pas très matinale, on peut attendre 8 heures. Qu'en dites-vous? Matinale ou pas, on part de bonne heure. Que disent tes amis? Ils viennent de dire que nous devons partir tôt. C'est-à-dire? Nous disons donc départ à 6 heures. Répétez. 93. Que dit la météo? 94. Elle annonce des brouillards matinaux. 95. À quelle heure voulez-vous partir? 96. Vers 6 heures. Mais si tu n'es pas très matinal, on peut attendre 8 heures. 97. Qu'en dites-vous? 98. Matinal ou pas, on part de bonne heure. 99. Que disent tes amis? 100. Ils viennent de dire que nous devons partir tôt. 101. C'est-à-dire? 102. Nous disons donc départ à 6 heures. Répondez, répétez. 103. Que dit la météo? 104. Elle annonce des brouillards matinaux. 105. À quelle heure voulez-vous partir? 106. Vers 6 heures. Mais si tu n'es pas très matinal, on peut attendre 8 heures. 107. Qu'en dites-vous? 108. Matinal ou pas, on part de bonne heure. 109. Que disent tes amis? 110. Ils viennent de dire que nous devons partir tôt. 111. C'est-à-dire? 112. Nous disons donc départ à 6 heures.